Sorgia FM. Sorgia. Dansez maintenant. Dansez maintenant. Dansez maintenant. Dansez maintenant. Dansez maintenant. Dansez maintenant. Dansez maintenant. Une émission proposée par Hubert Ledent. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va fêter bien sûr la nouvelle année. Alors, je souhaite à tout le monde une très très bonne année 2020. À vous, à tous les danseurs, à tous les chanteurs aussi, pourquoi pas. Et puis, bien sûr, bienvenue à nos chroniqueurs. Je veux parler bien sûr d'Arlette. Bonjour Arlette. Bonjour Hubert. Comment vas-tu? Eh bien, écoute, moi, ça va super bien puisque c'est la fête aujourd'hui, hein, n'est-ce pas? Bien sûr. Et puis, bien sûr, nous avons aussi à nos côtés Christophe Pesset. Bonjour Christophe. Bonjour à tous. Alors, la forme aussi? Oh, bah c'est sûr. Bah, non, mais un jour comme aujourd'hui, comment ne pas avoir la forme? Ça, c'est sûr. Alors, on va parler bien sûr d'amour grâce à Arlette, au programme de belles choses, je suppose. Ah, bien sûr, je t'ai fait une jolie sélection, tu vas voir. Ah, on va se faire plaisir alors. Et puis, Christophe, l'accordéon aussi? Ah, toujours. Et puis, mention spéciale. C'est vrai que d'habitude, je ne parle pas souvent de nous. Bah, là, j'ai dit, bah, allez, on va parler un petit peu d'Arlette, de Bernard Marly, d'Hubert Ledent, un jeune homme beau de Saint-Jean-de-Sixte. Oh là là, superbe, superbe. Et écoutez, on va en profiter. Je crois qu'on est bien parti pour. On va commencer justement avec une petite balade. Une balade aux Aravis, puisque j'avais prévu ça aussi, moi, au programme. Tu vois, un petit peu de nombrilisme, de temps en temps, ça fait du bien. Voilà. Hein, voilà. L'autosatisfaction. Alors, c'est Danser maintenant, votre émission. On est parti pour cette émission avec donc l'amour grâce à Arlette, l'accordéon grâce à Christophe. Faites-vous plaisir, on est parti, on danse. Dansez maintenant. Dansez maintenant. Sorgia. Allez, c'est parti pour la balade aux Aravis. Balade aux Aravis, je chante mon pays, les plus beaux paysages s'écrivent et se partagent. Balade aux Aravis, le bonheur m'envahit. Dès que j'ouvre les yeux, je suis heureux. C'est un chalet sous la neige, une forêt qui nous protège et nous fait traverser le temps. De l'hiver au printemps, une fleur qui nous apaise et sait mettre en parenthèse de son parfum si délicat les ennuis, les tracas. Balade aux Aravis, je chante mon pays, une nature sauvage aux milliers de visages. Balade aux Aravis, la douceur d'une vie, paradis sans pareil qui m'émerveille. C'est une chaîne où se joignent les fiers sommets, les montagnes aux noms parfois mystérieux viennent d'autres cieux. Des sapins qui s'entremêlent et qui soudain nous révèlent un prévert parsemé de fleurs aux milliers de couleurs. Balade aux Aravis, je chante mon pays, les plus beaux paysages s'écrivent et se partage. Balade aux Aravis, le bonheur m'envahit. Dès que j'ouvre les yeux, je suis heureux. Le bonheur, c'est la vie aux Aravis. Sorgia FM. Sorgia. L'accordéon, donc, grâce à Christophe, avec sa sélection d'aujourd'hui, avec les belles chansons qu'on a créées, il faut le dire. Christophe, c'est à toi. Oui, c'est vrai. Alors, j'ai voulu vous faire faire un petit retour en arrière, direction 1993. Mmh. Alors, cet extrait de mon premier album. Premier album qui s'appelait « Mon petit bal savoyard ». Je m'en souviens. Tu t'en souviens, hein, tu participais dedans. Et puis c'est vrai que, bah, déjà, je me suis dit, c'est un premier morceau que j'ai eu l'occasion de présenter à la télévision. C'était l'émission de Pascal Sevran qui s'appelait La Chance aux Chansons. C'est le premier morceau que j'ai joué à la télé sur une grande chaîne nationale. Ah oui. Et je peux vous dire que c'était pas sans stress, hein, Arlette. De pareil, un petit peu stressé quand tu passes à la télé. Oula, oui. Et je crois que bah, c'est aussi notre joie de pouvoir présenter ces morceaux. Et celui-ci s'appelle Rêve des Pays de Savoie. Les années 1990 avec Rêve des Pays de Savoie. On passe maintenant aux années 2000-2010. Mmh. Extrait de Musette. Non, c'était Balade en Savoie. Ah, Balade en Savoie. Et oui. Cette fois-ci, eh bien, une chanson que j'ai eu le plaisir d'enregistrer avec Émilie Colomb, Le Torrent. En bondissant parmi les champs, découvrant dans la campagne toutes les fleurs du printemps. Mon cœur tout neuf est descendu parmi la ville, gonflé d'amour et de bonheur à partager. Mais mon âme est moins tranquille depuis que j'ai tout quitté. Là thank you. dans la clarté de mes 20 ans et trouver encore la source d'où jaillissent les printemps, le silence des sapins blancs. Tu connaîtras près du torrent mon cœur d'enfant. Dans le silence des sapins blancs, tu connaîtras près du torrent mon cœur d'enfant. Ça, c'est une magnifique chanson, interprétation, hein. Le torrent d'Émilie Colomb. Mm. Et maintenant, eh bien, petite transition à mes acolytes. Maintenant, le village s'éveille avec Arlette à la chanson. Oh, quel plaisir. Oh, merci Arlette, tu es superbe. Jour de fête, j'ai besoin de ton cœur bohème, de tes troublants baisers, baisers de fièvre. Je prierai le Seigneur, quoi qu'il advienne. Respirons le printemps, quelle heure est-ce. Le soleil cabriole sur la colline. Je n'ai plus qu'une envie, c'est dans la vie. De tes doux yeux brillants de jalousie. Viens dansons sur cette terre, air joyeux. Ne fais pas de manière, mon cœur est seul, il attend. C'est dans ce beau pays où l'amour est toujours roi. J'ai murmuré chérie, et profonde fut ma joie. Sorgia. Alors aujourd'hui, évidemment, on fête l'année 2020 ensemble. On a entendu Christophe, bien sûr, qui reviendra nous faire un petit coucou juste après pour nous parler accordéon, n'est-ce pas ? Moi, je suis avec vous, vous savez. Voilà. Et puis maintenant, on va retrouver notre spécialiste de la chanson française qui nous prépare, comme chaque semaine, un merveilleux programme. Tu es merveilleuse, Arlette. Merci, Hubert. Et franchement, pour parler d'amour, la meilleure dame qui soit, c'est Edith Piaf. Alors là, tu as tout à fait raison. Alors, elle avait écrit une chanson pour un amour qu'elle avait perdu et qui s'appelle l'hymne à l'amour. Et d'ailleurs, c'est elle qui avait fait les paroles, non ? Absolument, absolument. Et la musique, c'était qui, c'était ça ? C'était Marguerite Monod. Marguerite Monod. Voilà. D'accord. Et c'est vraiment, je crois, la plus belle des chansons d'amour que je connaisse. Ah, moi, j'adore. On la passe tout de suite. L'hymne à l'amour, Edith Piaf. S'effondrer et la terre peut bien s'écrouler. Le matin, si tu m'aimes, je me fous du monde entier. Tant que l'amour inondera mes matins, tant que mon corps frémira sous tes mains, que ma femme, les problèmes, mon amour, puisque tu m'aimes, j'irai jusqu'au bout du monde. Je me ferais teindre en blonde si tu me le demandais. J'irais décrocher la lune, j'irais voler la fortune si tu me le demandais. Je renierais ma patrie, je renierais mes amis si tu me le demandais. On peut bien rire de moi, je ferais n'importe quoi si tu me le demandais. Un jour, la vie t'arrache à moi. Si tu meurs, que tu sois loin de moi. Jusqu'à la dernière note, Hubert. Ah oui, l'hymne à l'amour. Edith Piaf, c'est magnifique, ça. Ah, et quoi de plus joli, hein. Ah oui. Mais il y a une chanson aussi qui m'a été réclamée par un certain monsieur Gilbert. Ah, Gilbert. De Bellegarde en Valserine. C'est ça, Gilbert. Et que j'ai passé il y a quelques temps en arrière, mais qu'on prendra plaisir à réécouter. C'est une très bonne idée. C'est une chanson chantée par Bourvil dans les années 39-40. Ça juste, dit quelque chose. Voilà, et qui a été re-enregistrée après la guerre. Oui. Hein, ça s'appelle Le Petit Bal Perdu. Oh bah tiens, on peut aussi le dédicacer à Pat et Annie du Petit Bal Perdu à Annecy. C'est pour vous, Pat et Annie aussi. Bien sûr, avec joie. Alors, c'est Le Petit Bal Perdu.

Ah, le petit bal perdu, c'était beau, hein, c'était Bourville. Oui, et maintenant, on arrive en 1962. Ah. Et je vais vous parler de Françoise Hardy. Françoise Hardy qui a fait ses débuts avec le Mireille et son Mireille, petit conservatoire. Je me souviens de ça. Qui a duré 20 ans à la télévision. C'était à cette époque-là, j'avais passé d'ailleurs dans l'émission une fois, elle avait un petit pull échancré et elle avait lancé la mode, elle avait mis à l'envers et le V était dans le dos et c'est, toutes les filles s'habillaient comme elle. Voilà, et c'est parti, c'était la grande incroyable. Mode. Alors, oui. Mireille, qui elle a lancé un nombre incroyable d'artistes, oui. Entre autres Jacques Dutronc, Alice Donna, Yves Dutheil et Pascal Sevran, qui lui, à son tour, en a fait autant. Hein alors, alors la balle. On va rester avec Françoise Hardy, qui va nous chanter Le temps de l'amour. Eh bien, on écoute tout de suite Le temps de l'amour. Quand le temps va et vient, on ne pense à rien malgré ses blessures. Car le temps de l'amour, c'est long et c'est court, ça dure toujours, on s'en souvient. On se dit qu'à 20 ans, on est les rois du monde et qu'éternellement, il y aura dans nos yeux tout le ciel bleu. C'est le temps de l'amour, le temps des copains et de l'aventure. Quand le temps va et vient, on ne pense à rien malgré ses blessures. Car le temps de l'amour, ça vous met au cœur beaucoup de chaleur et de bonheur. Jour c'est l'amour et le cœur bat plus vite. Car la vie suit son cours et l'on est tout heureux d'être amoureux. C'est le temps de l'amour, le temps des copains et de l'aventure. Quand le temps va et vient, on ne pense à rien malgré ses blessures. Car le temps de l'amour, c'est long et c'est court, ça dure toujours, on s'en souvient, on s'en souvient, on s'en souvient. C'est le temps de l'amour, c'était le temps de l'amour, Françoise Hardy. On continue cette rubrique. Oui, alors avec un grand morceau d'opérette que beaucoup de gens connaissent, même parmi les jeunes, hein. C'est une musique qui est très connue, qui s'appelle Violette. Impériale. C'était une comédie musicale, opérette, hein. Évidemment. Et ça avait été lancé par Luis Mariano en 1948. Ah oui, composé par Francis Lopez, me semble-t-il. Absolument. Et c'était une opérette en 2 actes et 17 tableaux, c'était quand même quelque chose d'important. Et bien sûr, qui a repris cette magnifique valse de Vienne? Je vous le donne en mille. Eh bien, c'est notre grand yaka à nous tous. Hubert Mariano. Hubert Ledon. Hubert Mariano. J'ai tout mélangé. Et si on l'écoutait et si on se préparait à danser la valse de Vienne? D'accord, Kiki? C'est bon. Eh bien, allez, ça marche. Allez, c'est parti. Moi, je vous regarde. Oh. Thank you. matin. Mon ami, si jolie, Violetta, je t'en prie, n'aie pas peur de la vie. Il faut perdre la tête et songer que l'amour est comme ces violettes. De violette, l'amour est plus doux que ses fleurettes. Quand la banane passe en bouffe, signe et s'arrête, il faut lui prendre la main sans attendre la demain. Qu'est-ce que vous dansez bien tous les deux, j'ai adoré vous regarder. Oh, elle m'a marché sur les pieds. Alors non, tu non, ça s'est pas vu, hein, ça s'est pas vu. Eh bien voilà pour la rubrique Arlette, mais on va rester ensemble toute l'émission si tu es d'accord. Ah mais bien sûr. Bon, eh ben écoute, on fait comme ça, on se retrouve dans quelques instants. Pour l'instant, eh bien écoutez, on va danser certainement en ligne, une petite danse en ligne parce que c'est la tradition dans cette émission. Sorgia FM. Et la danse en ligne cette semaine, eh bien écoutez, on va danser la salsa, ça se danse aussi en ligne. Buena Club Salsa. Buena Club Salsa. Son tempo nous illumine de mille couleurs latines. Buena, buena Club Salsa. Elle nous fait vibrer à chaque fois. C'est comme le soleil, la buena vida. Baila, baila, demoiselle. Ton sourire nous ensorcelle. Ce sera toujours la buena vida. Tant que l'on aura ce rythme-là. Buena, buena Club Salsa. Sensuelle, elle se devine. Elle a la couleur divine. Buena, buena Club Salsa. Elle nous fait l'amour à chaque fois. C'est une merveille, la buena vida. Baila, baila, demoiselle. Ton sourire nous donne des ailes. Avec toi, je vis la buena vida. Il nous fait vibrer ce rythme-là. Salsa, salsa. Salsa. Son tempo nous illumine de mille couleurs latines. Buena, buena Club Salsa. Elle nous fait vibrer à chaque fois. C'est comme le soleil, la buena vida. Baila, baila, demoiselle. Ton sourire nous ensorcelle. Ce sourire sera toujours la buena vida. Tant que l'on aura ce rythme-là. Oh, buena, buena, buena club salsa. Sensuelle, elle se devine, elle a la douceur divine. Buena, buena club salsa. Elle nous fait l'amour à chaque fois. Oh, buena, buena, buena club salsa. Son tempo nous illumine, 2000 couleurs latines. Buena, buena club salsa. Elle nous fait vibrer à chaque fois. C'était la salsa buena club salsa. Et bien maintenant passons à l'italien. Alors c'est vrai que pour les chanteurs il n'est des fois pas très facile de chanter dans une autre langue. Et bien il y en a qui réussissent le pari, notamment Hubert Ledent. Et je peux vous dire que, oh Hubert, je te le dis en confidence, tu es trop gentil. Non, et bien récemment j'ai eu l'occasion de jouer avec bien des Italiens et ils m'ont dit qu'ils t'avaient entendu chanter, interpréter un morceau italien et c'était parfait. Ah bah écoute, merci. Oh, comment bon. S'appelle ce morceau? Prendi tutto. Ça veut dire prends tout. Et c'est à toi, ça, c'est une composition. Ouais, c'est une compo, ouais, c'est une compo. Quel talent, Harley. Hola. Bon, on l'écoute. Grazie mille. Cantare d'amore non basta mai. Cos'è quel mistero che ancora sei? Oh. Ogni volta che poi io rimango da solo, lo sai. Non sento niente, niente senza te. Baciami tutta la notte. Baciami tutta la vita. Hai capito anche tu? Fammi volare, volare via. Prendi tutto, amor mio, prendi me. Tu sei per me l'unica ragione di vivere. Prendi tutto, amor mio, prendi me. Prendi l'anima, tu sai che ti. Questo è il solo punto di partenza. Il mio unico desiderio è vederti sempre così. Oh, c'è bisogno d'armonia fra di noi. C'è bisogno d'amore fra di noi. Baciami tutta la notte. Baciami tutta la vita. Hai capito anche tu? Fammi volare, volare via. Prendi tutto, amor mio, prendi me. Tu sei per me l'unica ragione di vivere. Prendi tutto, amor mio, prendi me. Prendi l'anima, tu sai che ti amo. Prendi tutto, amor mio, prendi me. Tu sei per me l'unica ragione di vivere. Prendi tutto, amore mio, prendi me. Prendi l'anima, tu sai che ti amo. Ti amo. Sorgia. C'est Christophe Pesset. Moi, j'étais pas bien loin. T'étais pas très loin, non, c'est vrai. L'accordéon nouvelle vague. Et oui. Alors, on a un ami commun à tous les trois. Eh bien, il s'appelle Bernard Marly. Alors c'est vrai que moi j'ai eu l'occasion de travailler avec Bernard pendant des années, puis ensuite eh bien tout doucement je l'ai présenté à Hubert, puis à Arlette, et bien voilà. Et on te l'a piqué. Voilà, maintenant je le vois un peu moins. Et il va nous jouer un morceau qui s'appelle La Chanson de Carco. Je crois que c'était une composition qu'il avait réalisée avec Pascal Sevran. Thank you. très belle chanson, la chanson de Carco. Eh bien, Bernard ensuite a enregistré de nombreux albums avec Hubert Ledan. Mmh. Je suis sûr que tu n'es même pas capable de savoir combien d'albums vous avez sortis. Impossible de le savoir. Et je pense que ce morceau, ça doit être un des premiers que tu as enregistré avec Bernard. L'accordéon est superstar. Oui, ça je me souviens. Jacques Julien qui avait fait la musique. Superstar Bernard Marly. Et puis je pense que ce qui nous réunit tous les trois, c'est peut-être cette belle montagne qui se trouve juste en face de nous. On l'appelle la Tournette. Tu connais l'altitude, Arlette ? Oh oui, bien sûr. Moi, je l'ai montée plusieurs fois. 2350. Et un. Voilà. Oui. Mm-hmm. Et qu'est-ce qu'on peut voir comme fleurs ? Peut-être les linaigrettes ? Eh oui. Oh, les fameuses linaigrettes. Il va falloir qu'on en parle un de ces jours de cette linaigrette. On en parlera. Sur une prochaine émission, on fera une spéciale linaigrette. En tout cas, eh bien, extrait de l'album qui s'appelle Balade aux Aravis. Belle Tournette en attendant le prochain album qui est en cours enfin dans le tuyau. Allez, belle Tournette, c'est parti. Il m'en a fallu du courage, un sac à dos pour seul bagage. Mais quand je suis arrivé là-haut, j'en avais perdu tous mes mots. C'est le paradis qui m'accueille, bien installé sur le fauteuil, on fait le plein de sensations et l'on profite avec passion du cadeau de cette ascension. Belle Tournette, quand je te vois, j'ai cette chanson dans la tête. Rien ne l'arrête, c'est terre de fête. J'aimerais toujours ce refrain-là. La splendeur et savourer avec bonheur des paysages merveilleux. Elle m'en avait mis plein les yeux. J'ai dominé le lac d'Annecy, j'ai vu la chaîne des Aravis. Même le Mont Blanc m'a dit bonjour, prenant le chemin du retour. J'ai chanté le long du parcours. Belle Tournette, quand je te vois, j'ai cette chanson dans la tête. Rien ne l'arrête, c'est terre de fête. J'aimerais toujours ce refrain-là. Belle cette voix, j'ai cette chanson dans la tête. Rien ne l'arrête, cette air de fête. J'aimerais toujours ce refrain-là. J'aimerais toujours ce refrain-là. Ah, ça fait du bien, un petit tour sur la tournette. Allez, on va fêter 2020 ensemble, mais pas tout seul, puisqu'on sera avec la compagnie créole. Bonne année ! Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. D'accord, Arlette ? Ah oui, ça, oui. Alors, est-ce qu'on a passé un bon moment ensemble ? Oh ben, c'était merveilleux. Hein, c'est Christophe. Toujours un plaisir de vous revoir, les amis. C'est vrai que c'est un rendez-vous qu'on aime vraiment passer tous ensemble, n'est-ce pas ? Ben, moi, je pense qu'on devrait toujours enregistrer comme ça. Voilà. En tout cas, moi, je ne sais pas vous, mais je n'ai pas vu passer le temps. Et je crois, Christophe, qu'on peut nous écrire. C'est vrai. Alors, n'hésitez pas, vous, les auditeurs, si vous voulez nous envoyer un petit mot, eh bien, vous pouvez le faire. Vous envoyez sur uber@dansezmaintenant.com. Ou alors Arlette@dansezmaintenant.com ou Christophe, vous nous faites un petit mot, vous nous dites bah tiens j'aimerais bien entendre ce morceau et puis une petite dédicace, eh bien nous on exécute avec grand plaisir. Mais oui, avec grand plaisir, je suis d'accord avec toi Christophe. Alors on vous souhaite à toutes et à tous une très bonne année 2020. Exactement. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité à cette émission Dansez Maintenant. On espère vous retrouver dès la semaine prochaine. Même heure, même station. Oh ben moi je vois que ça. Oh moi je suis tout à fait d'accord. Bon ben si on est tous d'accord, pourquoi pas hein, on reste tous. Merci à toutes et à tous, on vous embrasse. Et puis merci aussi à notre technicien Gérard qui est dans le studio. Salut Gérard. Salut à vous. Ah superbe. Merci Gérard et puis donc à la semaine prochaine. Au revoir. À la semaine prochaine. Au revoir à tous. Merci. Bonne année, meilleure soirée, bonne année, bonne année. Bonne année. Bonne année. Bonne année. Bonne année. Bonne année. Bonne année. Bonne année. Bonne année. Bonne année. Bonne année. Bonne année. Bonne année. Bonne année. Bonne année. Bonne année. Bonne année. Bonne année. Bonne année. Bonne année. Bonne année. Bonne année. Bonne année. Bonne année. Bonne année. Bonne année. Bonne année. Bonne année. Bonne année. Bonne année. Bonne année. Bonne année. Bonne année. Bonne année. Bonne année. Bonne année. Bonne année. Bonne année. Bonne année. Bonne année. Bonne année. Bonne année. Bonne année. Bonne année. Bonne année. Bonne année. Bonne année. Bonne année. Bonne année. Bonne année. Bonne année. Bonne année. Bonne année. Bonne année. Bonne année. Bonne année. Bonne année. Bonne année. Bonne année. Bonne année. Bonne année. Bonne année. Sorgia FM.